jamais un P pour l'Afrique et que tu ne cherches que le fric, alors tais-toi car t'es pas dans le vrai combat. Quand vous prétendez que c'est le rap qui a mis le feu aux banlieues en occultant le chômage et la discrimination, messieurs, soyez sérieux, vous n'êtes pas sincères, c'est clair, vous n'êtes pas dans le vrai combat. Quand tu brûles la voiture d'un ouvrier en criant Nick Sarko, tu fais rire les gangsters en Starco. Quand tu mets le feu à un bus avec une femme à l'intérieur, mon frère, t'es pas dans le vrai combat. Quand vous laissez des familles dans des immeubles vétustes jusqu'à ce que le feu les expulse, quand elles se rendent compte que la plupart sont des noirs, la France est indignée, ne sait-elle pas que vous n'êtes pas dans le vrai combat. Tu nous mens, tu nous trompes pendant ce temps, on a mal et nos cas secs. Tu te perds, tu te vénères, mais tu comprends qu'à tes frères et on se sert de toi. T'accentues les différences, fais augmenter le racisme, profite aux extrémistes. Tu manques de sincérité, face aux des évités, alors si tu veux faire croire que les tournantes sont monnaie courante dans les quartiers où les jeunes récitent le Coran, y'a qu'en banlieue que les femmes se font maltraiter, draguer, aborder, siffler ou insulter. Chaque année, combien de nos frères se font buter, exécuter, brûler, et ça tu peux pas l'occulter. Tous victimes de la barbarie, hommes ou femmes, si tu le nies, c'est que t'es pas dans le vrai combat. Tu cherches à barber les voix du FN, ta gauche devient droite et ta droite devient extrême. Ils font un bouc émissaire sous la pression, l'ennemi a un visage et à t'entendre il n'est pas blanc. Tu m'insultes et tu me parles d'intégration, prétends qu'il y avait du bon dans la colonisation. Quand tu me parles de you-you, tu l'associes au mariage blanc. Si je m'écoutais, je serais pas dans le vrai combat. Tu nous mens, tu nous trompes pendant ce temps, on a mal et nos cas secs. Tu te perds, tu te vénères, mais tu comprends qu'à tes frères et on se sert de toi. Fais augmenter le racisme, profite aux extrémistes. Tu manques de sincérité, face aux des évités, alors pas dans le vrai si combat. Si tu crois que le rap c'est pousser le ghetto français à s'enfoncer, foncer, tête baissée. Si tu glorifies tout ce qui nous fait régresser, tu caches aux petits frères tout ce qui pourrait les faire avancer. Si t'as pas honte de faire ça et tu fais tes fers, ça comme ces noirs déstructurés vivant aux USA. Si t'apportes rien aux gens, que tu leur mens et que tu leur prends de l'argent, alors t'es pas dans le vrai combat. Si tu crois qu'il faut que tu marches et craches sur les autres pour espérer un jour devenir quelqu'un, si t'as besoin d'un clash pour gagner du cash et t'utilises nos têtes comme des tremplins, ta réussite n'a pas de mérite, aussi vrai qu'un jour la rue viendra te rendre visite. Les pentes se descendent plus vite qu'on ne les monte, après les honneurs, la honte, cousin, t'es pas dans le vrai combat. Tu nous mens, tu nous trompes pendant ce temps, on a mal et nos cas secs. Tu te perds, tu te vénères, mais tu comprends qu'à tes frères et on se sert de toi. T'accentues les différences, fais augmenter le racisme, profite aux extrémistes. Tu manques de sincérité, face aux des évités, alors pas dans le vrai combat. On veut pas avoir les poings liés. On veut avoir l'esprit libéré. Alors on lève le bras, on continue le combat. On veut pas se tromper de combat. Il est temps de faire face. Il est temps de faire face au vrai combat. Drake, Mehdi, Prod, Kerry James, Fortnite, Forsyth, Wicord. C'est la résistance. C'est l'année de la vérité. Défendre la vérité, ah, lève le bras, le vrai combat, ah. Comme un ignore, comme un ignore, ne doit pas stopper la vérité, lève le bras au frais.